Toute la semaine se passa sans que Landry pût rencontrer la fadette. De quoi, il était bien étonné, bien soucieux. « Elle va croire encore que je suis ingrat, » pensait-il. « Et pourtant, si je ne la vois point, ce n'est pas faute de l'attendre et de la chercher. Il faut que je lui ai fait de la peine, en l'embrassant quasi malgré elle. Et pourtant, ce n'était pas mauvaise intention, ni dans l'idée de l'offenser. » Il songea, durant cette semaine, plus qu'il n'avait songé dans toute sa vie. Il alla voir son Besson le jeudi soir. Il le trouva soucieux comme lui. On aurait dit qu'il devinait que quelque chose avait troublé la tranquillité de son frère. Il lui demanda s'il avait fait la paix avec Madelon, et pour la première fois, en lui disant que oui, Landry lui fit volontairement un mensonge. Enfin, vint le dimanche, et Landry arriva des premiers à la messe. Il vit une petite agenouillée dans la chapelle de la Sainte Vierge. C'était bien la posture de la petite fadette, mais ce n'était ni son coiffage ni sa tournure. Et Landry ressortit pour voir s'il ne la trouverait point sous le porche, qu'on appelle chez nous une guenillère, à cause que les mendiants loqueteux s'y tiennent pendant les offices. Les guenillers de la fadette furent les seuls qu'il n'y vit point. Il entendit la messe sans l'apercevoir, et ce ne fut qu'à la préface que, regardant encore cette fille qui priait si dévotement dans la chapelle, il lui vit lever la tête et reconnut son grelet dans un habillement et un air tout nouveau pour lui. Landry, la voyant ainsi changée, laissa tomber son livre d'heures, et au bruit qu'il fit, la petite fadette se retourna tout à fait et le regarda, tout en même temps qu'il la regardait. Elle devint un peu rouge, mais cela la fit paraître quasi belle, d'autant plus que ses yeux noirs laissèrent échapper un feu si clair qu'elle en parut transfigurée. Et Landry pensa encore, elle est sorcière, elle a voulu devenir belle de l'aide qu'elle était, et la voilà belle par miracle. Il en fut comme transi de peur. Mais elle ne le regarda plus, elle s'en alla discrètement. Landry n'osa point la suivre, d'autant que Sylvinet ne le quittait point des yeux. Mais au bout d'une heure, il réussit à s'échapper. Il trouva la petite fadette qui gardait sagement ses bêtes dans le petit chemin creux qu'on appelle la traîne aux gendarmes.